et Francis Eustache. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, comment les historiens se sont saisis des attentats du 13 novembre ? Le 13 novembre 2015 a laissé une empreinte cruelle dans nos mémoires. Une fois passée la sidération, certains historiens se sont penchés sur l'événement pour participer à la compréhension de ce que ces attentats nous avaient fait. Peut-être comme Sophie, survivante de l'attentat du Bataclan, qui explique pourquoi elle a accepté de prendre part à l'un des programmes de recherche. Je suis chercheur moi-même. Donc ma première motivation, c'était une espèce de motivation professionnelle, on va dire de solidarité professionnelle. Et je me suis dit, bon ben voilà, s'ils n'ont pas constitué encore leur échantillon, même si ça fait un moment que l'étude a démarré, je peux au moins les aider à ça. Ensuite, il y avait de la curiosité, parce que c'est toujours une dimension de mon côté chercheur, je suis très curieuse. C'était pour moi un moyen, en participant, de suivre aussi un petit peu les résultats des travaux qui allaient être faits. Et puis, pour tout vous dire, je trouve que c'est aussi un beau pied de nez aux terroristes, parce que quand on est chercheur, on crée de la connaissance. Produire de la connaissance pour assigner à la défaite l'obscurantisme aux manettes ce jour-là, pour recommencer à penser avec l'événement. Mais quel modèle convoquer pour établir une méthode d'analyse historique ? Différents programmes de recherche d'ampleur variable ont vu le jour pour réagir avec les armes de la recherche, majoritairement à l'initiative de spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Les collectes de témoignages des rescapés des camps nazis constituaient un point de départ, des protocoles, des modèles à interroger. Avec cette différence majeure, les rescapés de la Shoah ont souvent témoigné des décennies après leur libération, 40, parfois 60 ans après. Des conditions qui influent sur le témoignage. Jean-Marc Dreyfus, historien de la Shoah, commentait en 2016 la création des programmes de recherche sur les attentats du 13 novembre. L'homme peut oublier même Auschwitz. D'ailleurs, Primo Levi l'a dit. À la fin, il se rendait compte qu'il ne se souvenait plus d'Auschwitz. Et cela l'a rendu, a accentué son désespoir, en fait. Que même lui oubliait. Il se souvenait de la dernière fois qu'il avait témoigné. Vous voyez, ces couches de mémoire. Donc en fait, quand on interviewe, on crée aussi une nouvelle mémoire. Les initiatives ont été nombreuses pour créer les archives nécessaires à une enquête historique. L'évolution de la mémoire collective et individuelle après un traumatisme de grande ampleur, c'est le projet élaboré par Denis Péchanski, historien, et Francis Eustache, neuropsychologue et spécialiste de la mémoire et de ses troubles, qui ont monté un programme transdisciplinaire sur 12 ans pour étudier à la fois l'évolution du récit des témoins et ses effets biologiques. Il s'agit de comprendre aussi comment le cerveau traite le traumatisme face à un événement si violent, autrement dit comment se construire une mémoire et comment cette mémoire évolue. Pour Sarah Gainsburger, sociologue et historienne, le modèle des témoignages du génocide juif, s'il reste stimulant, risque d'effacer la singularité des attentats du 13 novembre. C'est sur place, dans les rues, sur les lieux de témoignages de deuil spontané, qu'elle enquête sur les effets quotidiens de l'attentat du Bataclan après l'événement. S'il est nécessaire aux victimes de témoigner, il l'est tout autant de reprendre le cours de la vie, sans pour autant oublier, se reconstruire, sans rester exclusivement victime. Une enquête qu'elle relaie dans un blog en manière de carnet de recherche et un livre paru en 2017 sous le titre « Mémoire vive, chronique d'un quartier ». La France doit savoir regarder en face les réalités que cela implique et mener un travail mémoriel, scientifique, pédagogique, permettant à chacun de saisir toutes les implications et toutes les résonances de ce qui, à intervalles réguliers, nous frappe. C'est pourquoi je souhaite qu'un musée mémorial du terrorisme menant ce travail dans toute son ampleur soit créé et que sa préfiguration soit lancée sans plus attendre. Pour Emmanuel Macron, à la tête de l'État, le devoir de mémoire des attentats perpétrés en France passe aussi par l'élaboration d'un lieu qui incarnerait dans un projet de musée mémoriel pour lequel il a missionné l'historien Henri Rousseau, lui aussi spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Un lieu en cours d'élaboration pour que dialoguent l'histoire et les mémoires. L'histoire se nourrit de toutes les sources à sa disposition. En ce qui concerne les attentats du 13 novembre, le nombre et la diversité des initiatives sont présents. L'histoire continue bien après le 13 novembre 2015 et c'est en soi une victoire. Merci beaucoup Anaïs Kien. Tous les liens, les ouvrages et les archives sont à retrouver sur la page du journal de l'histoire. C'est sur franceculture.fr.